essayé de présenter le livre qu'on a écrit, La maison de paille de Lausanne, pourquoi nous l'avons construite, pourquoi elle fut incendiée, et l'histoire de ce qui s'est passé à Lausanne en 2007. J'ai déjà fait quelques présentations de ce livre dans l'idée d'aller ailleurs là où ça intéresse des gens pour expliquer cette histoire qui à Lausanne a été assez importante et nous a révélé pas mal de choses intéressantes à partir de la situation qu'on a créée en fait. Le passé, c'est qu'on a construit une maison illégalement, enfin sans aucune autorisation, par surprise, au milieu d'un parc public au centre-ville de Lausanne. Pour expliquer, c'est dans un talus qui n'était pas vraiment utilisé, c'était un bout de parc abandonné. Derrière, un bâtiment qui s'appelle dans la ville de Lausanne, pour expliquer aussi qu'il y a une relativement petite ville, mais une ville assez riche et qui il y a plein de multinationales qui ont leur siège là, et des hautes écoles, et juste comme ça. Et c'est une ville qui se croit être une métropole pratiquement, et qui est gouvernée, disons, par les partis socialistes et écologistes en même temps, et qui se prétend faire de l'écologie, de l'urbanisme écologique en faisant des métros, des choses un peu grandiloquentes pour une ville de cette taille, et qui, pour expliquer un petit peu le contexte où on arrive, et c'est aussi une ville où il y a une grave pénurie de logements, où les loyers sont extrêmement chers, donc une ville où il y a beaucoup de problèmes là autour, et où il y a aussi un mouvement squat existe depuis assez longtemps et qui occupe des maisons, plein d'activités. Et nous, en fait, le collectif qui se sont formés pour construire cette maison, on vient un peu de ce mouvement squat. Pour nous, c'était l'idée d'aller plus loin, d'occuper des maisons, c'est aussi créer des espaces vraiment à partir de zéro, c'est-à-dire aller plus loin dans la recherche d'autonomie. Qu'on expérimentait déjà, enfin qu'on vivait déjà depuis plusieurs années en vivant dans des maisons occupées où on s'occupe de tout, c'est-à-dire on bricole beaucoup. Et là, l'attirance vers aller vers construire une maison, c'est venu, c'était déjà venu depuis un certain temps, aussi autour de pratiques écologiques qui se faisaient dans les squats, notamment autour d'installer des panneaux solaires, de faire des toilettes sèches, des choses comme ça. Donc, il y avait ce parc derrière l'espace autogéré où on avait squatté déjà pour faire un jardin potager. Depuis quelques années, ça posait pas de problème. Et là, on était parti sur presque un délire. Ah là, on pourrait construire une maison. Serait trop bien, etc. Et c'était une idée un peu folle qu'on a poussé jusqu'à le faire vraiment. Disons, on a conçu un projet pendant 2 ans, en fait, avant de commencer le chantier. Et en préparant cette construction, on s'est aussi posé la question pourquoi on le fait. C'était aussi quelque chose, il y avait une réflexion derrière qu'on essaye de développer un peu dans le livre, aussi autour de qu'est-ce que c'est notre vision de l'écologie, aussi qui pour nous aussi devrait être centrée autour de l'idée d'habiter, pas juste autour d'une consommation écologique, mais disons on se retrouve, disons, dans le, par exemple, un texte écrit par Ivan Illich qui s'appelle « L'art d'habiter » et où l'idée, disons, généralement, c'est de, comme les habitants, avant qu'on devienne locataire et que le monde soit, disons, enfin que les gens soient dépossédés de leurs conditions de vie, autant au travail que dans l'habitation, les gens habitaient leur maison et la construisaient eux-mêmes. Et donc, il y avait un collectif, enfin une équipe, disons, d'amis au départ, de 5 personnes environ, qui ont mené le projet jusqu'à la réalisation. Et après, au moment de commencer le chantier, on était allé en parler déjà depuis assez longtemps autour de nous. Et pour le début du chantier, il y avait une trentaine de personnes qui l'ont fait, qui ont construit le plancher, les murs et le toit. Et donc, c'était un chantier collectif ouvert où finalement le collectif de base il a éclaté, c'est-à-dire il a englobé après nettement plus de gens. Et donc, on a préparé ce chantier un peu comme on prépare une action. C'est-à-dire qu'il fallait que ça soit discret au début, ensuite que ça soit rapide, et puis essayer d'avoir un effet de surprise, c'est-à-dire que les autorités, qui forcément allaient être hostiles à ce qu'on faisait, vu que c'était illégal, qu'elles ne se rendent pas compte tout de suite de ce qui se passait. Alors, disons, voilà, on a eu toute une partie de la préparation du chantier où on a essayé de construire certains éléments à l'avance, des menuiseries, préparer des choses qui sont après rapides à poser. Et aussi, on avait donc choisi cette technique des bottes de paille pour construire, non seulement parce que, disons, écologiquement c'est intéressant, mais aussi parce que pratiquement, pour une action rapide, c'est pas mal. C'est des assez gros éléments, mais qu'on peut porter à la main. Et donc faire comme une construction Lego assez rapide, et ça a vraiment bien fonctionné pour ça. Et en fait, au début, c'était pas notre idée première, c'était pas l'idée de faire une maison en paille. On voulait faire une autoconstruction, et en cherchant comment faire, on est arrivé sur cette question, sur cette technique-là, à partir d'un film qu'on a trouvé sur internet, puis après des manuels de construction pour autoconstructeurs. Puis pour nous, ça c'est important parce que ça a été mal compris par beaucoup de gens. C'était que la technique pour nous elle est secondaire en fait. C'était plus la démarche de ce qu'on voulait, de ce qu'on voulait faire, faire une maison soi-même, faire un chantier participatif. Et la technique c'est un moyen pour arriver à ses buts. Après, ça a été perçu par beaucoup de gens comme une expérimentation d'une technique écologique, mais en fait, c'était pas que ça, quoi. Donc, notre action surprise, disons, elle a assez bien réussi, dans le sens que le premier jour, quand on avait amené avec un camion les bottes de paille sur le terrain, donc ça, c'était quelque chose qu'on a... Juste pour dire, on était allé chez des agriculteurs qu'on connaît chercher les bottes de paille, mais on était allé aussi aider aux moissons en échange des bottes de paille. C'est-à-dire qu'on ne les a pas achetées, on a fait un échange. Et voilà, le jour du chantier, quelqu'un part avec le camion chercher les bottes de paille. Pendant ce temps, nous, on construisait déjà le plancher. Avec le principe des pilotis, c'est-à-dire qu'on a planté dans la terre des étais de chantier en métal qu'on utilise pour faire les coffrages du béton. Là, c'était nos piliers de la maison, donc on n'a pas mis de béton dans la terre, absolument pas utilisé de béton. On a fait construction sur pilotis, donc réversible, dans l'idée aussi de ne pas détruire de la terre. Donc voilà, on construit ce plancher le premier jour. Et là, au bout de quelques heures, arrivent deux policiers qui avaient été appelés par les voisins qui disaient il se construit quelque chose, ça a l'air dangereux. Alors ils appellent la police, voilà, c'est la Suisse, c'est typique. Mais c'est partout pareil. Oui, tout à fait. Mais c'est assez une bonne tradition bien ancrée en Suisse, en tout cas particulièrement, je crois. Et Nous, on avait préparé notre petit scénario. On disait aux policiers que on fait quelque chose de provisoire, c'est une scène en fait pour faire une pièce de théâtre en plein air, mais on va démonter après. Tout ça. Alors, bon, ils ont dit on va dire ça à notre hiérarchie. Ils sont repartis. Et un quart d'heure après, les bottes de paille arrivaient sur le terrain et on faisait la chaîne pour les envoyer et les entasser. Et donc on avait vraiment eu de la chance en fait que la police n'est pas arrivée au moment où il y avait déjà des murs qui se construisaient parce que là ça aurait été un peu plus compliqué. Donc on a eu de la chance. Et ensuite, je sais pas, un ou deux jours plus tard, c'est un politicien, donc un des membres du gouvernement de la ville, donc du conseil municipal, qui vient lui-même sur place voir ce qui se passe. Et là, il y avait déjà des murs qui faisaient 4 mètres de haut. Et donc là, visiblement, c'était déjà une maison. Et donc, il est très impressionné. C'est un type voilà, qui est du Parti socialiste et qui essaye de se montrer favorable au mouvement alternatif et tout. Alors il dit, ah, c'est très intéressant. Et il dit ça aussi aux journalistes d'ailleurs, c'est très intéressant. Il disait que ça lui rappelait un film de Fellini. voilà, tout ça. Voir peut-être sa jeunesse, comme il dit souvent. Oui, alors non, lui n'a pas Non. dit ça. C'était plutôt... Après, on a eu des architectes qui venaient, des ingénieurs qui disaient, ah, ça me rappelle ma jeunesse, les années 70. Bon, bref. Oui, beaucoup ont ce discours-là. Des vaisseaux de lave, non? Voilà, mais donc Oscar Tosato, là, du conseil municipal, il dit, bon, c'est très intéressant, mais j'espère que vous n'avez pas l'intention d'habiter dedans. Et nous, on dit, bah si, bien sûr, on a construit une maison pour habiter. Ah, merde. Alors là, du coup, il est très embarrassé. On voit dans sa tête qu'il calcule est-ce que politiquement il va arriver à gérer l'affaire et tout ça. Bon, il est reparti fâché finalement en disant, bon, alors, vous pourrez vous vanter d'avoir contribué à démanteler les lois qui protègent l'environnement. Voilà, ça va être après pendant toute la période de vie de la maison. Une accusation qui va revenir souvent contre nous, c'est que pour protéger l'environnement, il y a des lois qui existent qui font qu'on ne peut pas construire des maisons n'importe où. Et nous, on construit une maison là où c'est pas autorisé, donc on se bat contre l'écologie. Tout ça, c'est tout un débat dont on essaye de discuter ensuite dans le livre. Sur le moment, c'était difficile de contrer cet argument, en fait. Développe aussi notre avis que, disons, cette protection, enfin, cet aménagement du territoire qui est planifié, d'une part, il n'empêche pas vraiment la destruction de l'environnement, notamment quand c'est pour des projets voilà, qui brassent beaucoup d'argent et de business. Là, du coup, on arrive quand même à changer les lois pour faire quand même le business ou à ignorer les lois, et que quand c'est quelque chose de très disons, hors de la règle, disons, du business, etc., que c'est des gens qui prennent leurs affaires en main et qui le font étonnamment de manière plus écologique que ce qui se fait traditionnellement, là ça dérange, et c'est un autre rapport. Enfin voilà, et aussi ça n'empêche pas au niveau de la ville de Lausanne d'avoir une politique de croissance où les aménagements, disons, industriels qui sont présentés comme écologiques, à notre avis, sont aussi dans une optique voilà, en étant bien géré au niveau, disons, des ressources, ça permet aussi d'accroître la ville encore plus et repousser les problèmes écologiques finalement, ne rien résoudre dans le fond. Et à Lausanne, on parle de développement durable. Oui, D'accord. c'est la ligne officielle. Parce qu'en France, ça, c'est tendance, quoi. On appelle le greenwashing, de tout recycler un peu comme ça, sous le terme de développement durable. Voilà. montrer un peu les incohérences de ce que tu nous dis là. Oui, c'est ça. On a par exemple, il y a eu la construction d'un incinérateur pour les ordures vraiment surdimensionné, énorme, en ville, et en expliquant que c'était quelque chose d'écologique. Et après, 2-3 années plus tard, ils ont commencé à interdire le ramassage des objets encombrants dans la rue, qui se faisait avant régulièrement, où tu pouvais, avant que les objets soient jetés, tu pouvais aller les récupérer et les réutiliser, donc quelque chose de logique, avant l'incinération. Et maintenant, c'est devenu interdit. Et est-ce qu'il faut brûler dans cet incinérateur tout neuf qui a coûté très cher, et après, voilà. C'est tout comme ça, en fait. Et donc, nous, avec notre démarche de venir comme un cheveu dans la soupe, dans cet joli aménagement, où tout est bien planifié, etc., et tout, où les gens sont bien encadrés pour travailler, consommer, se déplacer, rentrer chez eux, et tout ça, y a des gens qui étaient depuis des années dans les mouvements de critique de l'urbanisme, qui s'étaient opposés à pas mal de projets, qui ont reconnu dans notre initiative quelque chose qui leur parlait, en tout cas, ils ont vu une critique de l'urbanisme dans ce qu'on a fait, alors que nous, on n'était pas vraiment proche de ces mouvements. Ça nous a permis aussi de les rencontrer et de développer quelque chose d'intéressant à partir de là. Et aussi, plus largement, il y a beaucoup d'habitants de Lausanne qui ne sont pas du tout dans les milieux contestataires ou comme ça, qui ont voulu venir voir ce qu'on avait fait, qui sont venus discuter avec nous. C'était un peu la palabre après sur le terrain, où on était vraiment extrêmement contents de ça, en fait. Ça a débordé le cadre aussi habituel de, on ouvre en squat, on a des banderoles et tout. Les gens n'osent pas venir, on rencontre surtout des gens proches et convaincus, etc. Et là, tout d'un coup, il y avait une situation nouvelle où, déjà, ça faisait les titres dans tous les journaux. Il y avait les manchettes des journaux qui disaient les squatteurs construisent une maison de paille. Des journalistes qui étaient un peu enthousiastes et qui mettaient un petit plan sur où ça se trouvait dans la ville pour que les gens viennent voir, etc. Et donc ça, c'était aussi quelque chose d'inhabituel par rapport aux médias, que d'habitude, ça maintient une distance par rapport aux événements, et là, en fait, ça a fait venir les gens. Après nous, on commençait à avoir de la peine à avancer dans le chantier, parce que, il y avait des journalistes, des gens curieux, des gens... des problèmes à gérer avec les autorités qui envoyaient soit des politiciens, soit un fonctionnaire qui venait constater qu'on ne démolissait pas. Parce que voilà, le conseiller municipal a ordonné tout de suite la démolition. Nous, on a refusé de démolir, on a continué à construire, on a publié un manifeste de pourquoi on avait fait ça. Et ensuite... la réaction qu'on craignait qu'ils fassent une intervention policière rapide n'a pas eu lieu, aussi parce que justement les fonctionnaires qui sont venus constater qu'on ne démolissait pas, ils ont tout de suite dit « bon, là c'est une affaire qui est très politique, ça ne nous concerne pas ». C'est-à-dire que la mairie, disons, a essayé de négocier avec nous assez rapidement parce que c'était un peu chaud, quoi. C'est-à-dire que ça avait tout de suite une image très positive, écologique et tout ça. Et la mairie, donc le maire est du Parti Vert, les élections n'étaient pas loin. Bon, ça, c'était pas un truc qu'on avait calculé, disons, par hasard, les élections n'étaient pas loin, donc ça risquait de lui coûter cher s'ils envoyaient les flics. Essayer de négocier avec nous, de nous proposer un arrangement. Bon, on va essayer d'étudier comment on peut légaliser la construction, mais alors c'est un peu limite. En tout cas, il ne faut pas que vous habitiez dedans. Si vous acceptez de partir, on pourrait légaliser ça comme une expérience. On pourrait faire un écomusée, quelque chose. Un projet artistique. Hein. Oui. D'ailleurs, ce qui était, c'était drôle, c'était une personne aussi qu'on ne connaissait pas, mais qui a été très touchée par ce qu'on a fait. C'était un des fondateurs du musée de l'art brut à Lausanne, Michel Thévaux, qui est venu nous soutenir en fait, et qui a aussi publié dans le journal quelque chose qui ironisait un peu là-dessus. Je pourrais lire, c'est assez. Ça illustre pas mal de choses. Voilà, c'est Michel Thévaux, donc, qui est historien de l'art. C'est à la fin du livre qu'on l'a mis en annexe. Il a écrit au journal local pour faire un plaidoyer pour la maison de paille. Alors, je lis. Un chantier collectif et festif. Une construction sur pilotis, sans empreinte au sol. Une architecture sans architecte. Dès que ça se veut artistique, ça devient laid. Des matériaux biodégradables, alternatives au fioul et au béton. Un traitement des déchets par phytoépuration. Un terrain bien plus public qu'auparavant. L'avez-vous jamais traversé? Plus propre aussi, il était jonché de déchets. Bref, de la vraie écologie qui se moque de l'écologie. Et qui encourt par conséquent l'anathème municipal. Décidément, le rose vert du syndic tourne au gris béton, si ce n'est au noir casseur. La qualité majeure de la maison de paille, à mon sens, c'est justement son illégalité. Depuis qu'un nomade s'est avisé d'occuper un terrain pour l'ensemencer, jusqu'à l'institution régicide de la démocratie, l'innovation a toujours pris la forme d'un coup de force. Elle est illégale par définition. Ainsi, la maison de paille déroge-t-elle à une réglementation appropriée à l'affairisme des promoteurs, à la cupidité des architectes et à la démagogie des responsables politiques, et qui a fait de Lausanne, à la suite de Bruxelles, un cas d'école en matière de catastrophe urbanistique. La municipalité évoque la possibilité d'un terrain périphérique et d'une reconstruction dans le respect des normes. Encore en effet du délire de systématisation qui reviendrait à substituer une horreur conforme à la maison de paille, tout comme on a disposé des vasques de fleurs sur les parkings souterrains, des fontaines artistiques sur les rivières enterrées, de la pseudo-convivialité sur le flon sinistré, donc le flon c'est la rivière qui traverse Lausanne, bref, des simulacres racoleurs du réel qu'on a anéanti. Peut-être les constructeurs de la maison de paille accepteront-ils le marché. On comprendrait leur souci de se reloger au seuil de l'hiver. N'empêche qu'ils se sont engagés dans une entreprise qui dépasse leurs besoins vitaux. La menace qui pèse sur notre biosphère appelle une révolution des mentalités. Elle confère une portée pour le moins symbolique à de telles expériences qui mettent en question les techniques de construction, l'esthétique architecturale, les normes légales, la spéculation immobilière, etc. En réservant à l'avenue César Roux un tout petit espace à la vie urbaine résiduelle, les Lausannois expieraient, si peu que ce soit, un siècle de criminalité urbanistique. Au fait, compte tenu des scrupules légalistes, je proposerais d'octroyer à la maison de paille un statut culturel, historique ou artistique, il la soustrairait le plus légalement du monde aux tracasseries administratives. Je pense au musée de l'habitat rural à Ballenberg et au personnel qui anime les fermes anciennes. Ce ne sont pas de vrais paysans, mais des employés de musée maniant des fourches en bois. Ils ne fabriquent pas du vrai fromage conforme aux normes fédérales, mais des spécimens historiques. Bref, puisqu'à Lausanne, on ne tolère la vie que sous vitres protectrices, muséifions carrément la zone concernée, convertissons-la en un zoo humain où les promeneurs dominicaux et les touristes pourront aller observer les derniers représentants d'une espèce qui fut naguère conviviale et inventive. Une manière ironique un peu de se moquer de ce que les autorités essaient de négocier avec nous. Voilà, on voit un peu que l'initiative qu'on a pris lance des débats assez virulents. Et en fait, il y a un conflit qui petit à petit se développe pendant qu'on essaye lentement de continuer la construction de la maison, un peu pris dans ce tube. Comme j'ai dit, les médias au début étaient un peu enthousiastes, mais c'était pas sans arrière-pensée. Disons que il y a eu des éditoriaux dans le journal, le tabloïd local, qui disaient Ah, les squatteurs bâtisseurs, ça c'est bien. C'est pas comme les squatteurs qui squattent les maisons des autres et qui crachent sur les bourgeois, etc. Donc ils avaient la division entre les gentils et les méchants. Aussi parce que les méchants, il fallait les expulser à cette époque-là à Genève, donc la ville d'à côté. Il y avait toute une polémique autour de l'évacuation du plus vieux squat de la ville et en général une volonté politique généralisée d'éradiquer les squats à Genève. Et là, il y a des médias qui nous ont instrumentalisés dans ce débat-là. On voit que ce n'était pas toujours sincère, en fait, le soutien qu'on a eu. Et plus tard, il y a aussi eu un revirement dans le sens que, au niveau politique, il y avait donc cette municipalité de gauche qui essayait de gérer la situation mais qui n'envoyait pas la police. Et évidemment, l'opposition de droite criait au scandale en disant ces marginaux ont des privilèges, eux ils construisent, on les laisse faire, alors que nous, les propriétaires, si on fait un petit cabanon, même pas aussi grand, on nous emmerde, etc. Et aussi parce que, évidemment, c'est pas dans le cadre du business dans lequel eux ils trempent, donc ça dérangeait beaucoup. Et donc il y avait un affrontement politique qui se faisait, aussi qui nous échappait largement, en disant que des intérêts qui nous sont d'un côté de l'autre ou de l'autre ne ressemblaient pas. Et les médias, à certains moments, ont commencé à donner de la voix un maximum à cette opposition de droite, et qui disait il faut détruire tout de suite, etc. Nous, dans le mouvement de soutien qu'on avait, qui était de plus en plus fort, on avait aussi organisé une manif. Il y a un comité de soutien qui s'est constitué et tout. Et lors de la manif de soutien, qui était relativement importante pour la ville aussi, du fait qu'il faisait mauvais temps et tout, bref, les journaux ont titré Il faut détruire la maison de paille, avec la photo de la manif en dessous. Et c'était une citation d'un membre du conseil municipal, le responsable des travaux de la ville, qui lui est d'un parti de droite. Et donc ils ont commencé à prendre ce parti de plus en plus. Et nous, d'un côté, on voyait de plus en plus de soutien autour de nous, donc, et on voyait les autorités qui reculaient, qui nous donnaient des délais, mais qui ne les respectaient pas, et qui proposaient des nouvelles manières de négocier, etc. Et donc on avait l'impression qu'on était vraiment en train de gagner la bataille, parce qu'on avait un bon rapport de force. Et d'un autre côté, l'hostilité devenait de plus en plus grande par ailleurs. Et finalement, ça aboutit à un incendie au bout de 4 mois après le début de la construction. Donc c'était en 21 décembre, en pleine nuit, la maison a pris feu. Il y a personne dedans, Il y avait deux personnes. Nous, on était constamment à l'intérieur, il y avait constamment des gens qui dormaient, donc elle était habitée en permanence. Ça faisait un peu plus d'un mois qu'on avait réussi à installer une cuisine, un poêle à bois pour chauffer la maison. Et donc c'était devenu voilà, une vie quotidienne qui détruite à ce moment-là. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'incendie s'est propagé rapidement. On avait réussi à protéger les murs, l'intérieur des murs avec un enduit de terre. Donc qui protège extrêmement bien, après ça résiste mieux que le bois aux incendies, même tout aussi bien que du béton, etc. Mais avec le ralentissement du chantier et tous les problèmes qu'on a eus au niveau politique, etc., on n'avait pas encore pu enduire l'extérieur des murs, et donc le feu s'est propagé très rapidement. Les deux personnes qui dormaient à l'intérieur ont réussi à sortir in extremis. Bien traumatisé, tout ça. Il y a des pompiers qui sont venus, qui ont détruit la maison. Donc le toit avait déjà pris feu. Et pour éteindre les bottes de paille, comme ils font quand il y a des feux dans les granges chez les paysans, alors ils ont détruit complètement toutes les bottes de paille. Voilà, et là ça a signé la fin de la maison. Ensuite, bon, on a eu beaucoup de soutien. Donc, qu'on a réussi, disons, à, après, contrer plus ou moins ce qui s'est dit tout de suite. Donc la police vient, prétend faire une enquête. Au passage, elle confisque les ordinateurs qu'elle a trouvés sur place, etc. Sans le dire, les téléphones portables et tout ça. Dit tout de suite, voilà, c'est clair, c'est un accident, c'est le poêle à bois qui a mis le feu à la maison. Et dans les heures qui suivent l'incendie, déjà à la radio, ça dit, c'est probablement l'imprudence des constructeurs qui a fait que ça. Évidemment, ça arrange tout le monde au niveau institutionnel. Quelques jours plus tard, la mairie dit les promesses qu'on leur a fait de leur fournir un nouveau terrain pour pouvoir reconstruire légalement, ça, c'est fini. Ces gens, les constructeurs de la maison s'étaient moqués de nous, ils nous avaient dit que ça allait pas brûler, ça a brûlé, c'est des imprudents, des rigolos, on veut plus rien avoir à faire avec eux. On voit bien comment ça a été utile, disons, aux autorités, le fait que la maison disparaisse. Nous, on s'est bien rendu compte, d'après les témoignages des gens qui étaient dans la maison, que c'était pas le poêle qui avait fait brûler la maison. Le feu avait pris dans un autre coin, le poêle n'était pas ouvert, etc. Donc, on a après essayé publiquement de défendre nos arguments, dire que selon nous c'est un incendie criminel et de fournir des indices. Après, ben, aussi le livre, la publication du livre, c'est une occasion de mieux expliquer notre version des. Alors que l'enquête, la soi-disant enquête, ils ont. Qui a fini par se boucler 2 ou 3 ans plus tard, sans nouveaux éléments, dit oui, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est probablement le poêle qui a laissé échapper des braises et que ça a mis feu à la maison. Et, du coup, les médias disent l'incendie était accidentel. Néanmoins, c'est pas une version qui a convaincu tout le monde. Beaucoup de gens. Soit dans notre entourage, soit en général, on trouvait ça très louche. Beaucoup de gens se sont dit, ah, c'est sûrement la police, c'est sûrement les fascistes, c'est sûrement le maire lui-même qui a ordonné ça. Enfin voilà, il y a eu plein d'hypothèses et tout. Nous, ce qu'on est convaincu, puis qu'on développe, c'est que c'était un incendie volontaire, motivé politiquement. C'est pas étonnant. Ça arrive partout régulièrement que soit des squats se fassent incendier ou qu'il y ait des tentatives d'incendie, soit dans plein de contextes, c'est des choses qui arrivent. Et nous, ben voilà, on l'avait pas vu, on l'avait pas anticipé, disons, parce qu'on pensait pas que ça pouvait nous arriver, disons, on n'avait pas vraiment l'expérience directe de ce genre de choses et on avait un certain enthousiasme. Le soutien qu'on avait. Donc ça nous a pris par surprise. On pense aussi que ça nous a, disons, évidemment cassé dans la construction concrète qu'on avait fait. Mais en même temps, ce qu'on a fait voilà, n'a pas été complètement détruit, dans le sens que c'est aussi une aventure qui a inspiré beaucoup d'autres expériences, de beaucoup d'autres choses. Peut-être pas directement, mais indirectement, on voit que des gens qui avaient apprécié ça ont fait ailleurs des constructions légales ou illégales, de plusieurs manières, ou des rencontres qu'on a fait aussi, créer des amitiés, des contacts. Et aussi, on voit maintenant, aussi en voyant comment les gens s'intéressent à voir l'histoire écrite. De ce qui s'est passé. Donc là, le livre, il est sorti presque 6 ans après les événements, que vraiment tout le monde s'en souvient, qu'il y a beaucoup d'intérêt aussi à faire circuler le livre, etc. Donc enfin, voilà, après, disons par la suite de la destruction de la maison, ça a été, disons, quelque chose d'important pour nous, le processus de rédiger le livre et de revenir sur les événements.